Chapitre 9e. Dès que Maurice m'aperçut, « Eh bien, me dit-il, m'apportez-vous ma photographie ?» Je le lui remis aussitôt. Ce portrait avait été tiré quelques heures après le crime. La tête de la victime respirait la terreur, les traits étaient convulsés, les yeux à demi fermés. Du reste, je ne comprenais guère de quel intérêt pouvait être cette pièce dans la recherche de la vérité. Maurice y jeta d'abord un regard distrait. Puis tout à coup je vis son regard prendre cette étrange fixité dont j'ai parlé. Il s'absorba pendant près d'un quart d'heure dans une contemplation muette que je n'osais pas troubler, bien que je brûlasse de lui faire part de mes observations. Il se leva, alla à sa bibliothèque, prit un livre que je reconnus pour le traité de Lavater, nota un passage, puis ferma le livre et se tourna vers moi. « Ah ! Me dit-il, je vous demande pardon. Eh bien, avez-vous quelque indice ?»« Mon cher, reprit Maurice, vous avez la curiosité des enfants. Depuis l'affaire de Lambert, vous me prenez pour une sorte d'escamoteur qui va faire disparaître une muscade sous un gobelet. Ne le croyez pas. Je ne vous en blâme pas. Ce sentiment est essentiellement naturel. Souvenez-vous seulement de ce que je vous ai dit. Les causes attribuées à un fait, vous ai-je expliqué, ne sont généralement que des causes secondaires. On passe presque toujours à côté de la vérité. Et dans l'affaire Beaujon, dans cette affaire plus que dans toute autre, on a fait fausse route. J'en ai l'intime conviction. Beaujon est-il donc innocent, à votre avis ? Je ne dis ni oui ni non. D'abord, il faudrait nous entendre sur ce que vous appelez son innocence. A-t-il, oui ou non, commis le crime pour lequel il a été condamné ? Modifiez votre question. Dites, a-t-il commis l'acte ? Ici, je puis déjà vous répondre. Oui, il a étranglé deux Faudon. Est-il coupable ? Ceci est à discuter. Voulez-vous que je vous explique mes idées à ce sujet ? Certes. Je racontai alors toutes les circonstances de mon entretien avec l'avocat. Maurice m'écoutait avec le plus grand soin sans m'interrompre. J'aurais voulu provoquer un geste, un mot, une exclamation. J'avoue même que je comptais sur une approbation énergique. Maurice resta parfaitement froid. J'eus quelque peine à dissimuler mon dépit, et dans mon fort intérieur j'attribuais cette indifférence à une certaine jalousie de métier. « Eh bien, demandai-je. C'est ingénieux, répondit Maurice. Est-ce là tout ? M'écriai-je avec une certaine impatience. Maurice ne put s'empêcher de sourire. « Mon cher ami, permettez-moi de vous expliquer en quoi et pourquoi vous n'avez réalisé aucune découverte utile. Vous vous êtes basé dans vos recherches sur la seule question de sentiment. Si vous n'aviez pas assisté avec moi à ce procès, autrement dit, si vous n'étiez point venu au tribunal avec cette idée préconçue qu'il fallait absolument découvrir un mystère, vous ne vous seriez pas même posé le problème. Aujourd'hui, il vous faut à tout prix une solution, et c'est sur cette nécessité que vous vous êtes forgé vous-même, que vous bâtissez un système de toutes pièces. Votre système d'aliénation mentale, à sa période d'incubation, est curieux et séduisant à première vue. Dès que cette idée a surgi en vous, vous êtes dit « cela pourrait être vrai, donc cela doit être vrai, donc cela est vrai ». Alors vous avez élevé votre petit monument en l'adaptant à des bases de fantaisie. Comprenez-moi bien, si dans certains faits de la cause, vous aviez vu poindre cette idée de folie, si alors, saisissant en main ce fil, si ténu qu'il parut, vous vous étiez engagé dans le labyrinthe des circonstances accessoires et que peu à peu, ces points de repère se fussent rangés d'eux-mêmes sur votre route, vous conduisant insensiblement à la certitude, alors je vous dirais que vous avez raison. Et je n'aurai pas assez de félicitations à vous adresser. Mais laissez-moi vous dire que vous avez agi de façon toute différente. Vous avez admis d'abord l'aliénation mentale, et vous avez fait entrer l'affaire Beaujon dans votre cadre, la torturant au besoin comme sur un lit de Procuste. Je baissai la tête, sentant toute la justesse de ces observations. Et en résumé, continua l'impitoyable analyste, sur quoi comptez-vous pour établir la véracité de votre hypothèse ? Sur un délai lui-même hypothétique, sur une chance plus ou moins probable que la folie se développera par la réclusion, que l'accès qui se serait déjà produit se reproduirait. Mais supposez un instant que, ainsi que le fait s'est déjà présenté, l'hallucination toute accidentelle ne se renouvelle point. Supposez encore que la secousse même produite par la condamnation ait amené la guérison. Où en sera votre démonstration ? Assez, m'écriai-je, je me rends. Vous vous rendez aussi vite que vous avez su triompher. Croyez-moi, cher ami, pas plus de découragement que d'entraînement irréfléchi. Laissons cela, j'ai fait un impair, comme on dit. Du moins, votre erreur n'est-elle pas dangereuse, et ne fera-t-elle de tort à personne. Donc, ne vous désolez point, vos recherches même témoignent d'une grande volonté. Mais, comme vous le dites, laissons cela. J'ai besoin de vous. Je suis tout à vous. Mais du moins, ne me tiendrez-vous point au courant du résultat de vos recherches ? Si fait, mais laissez-moi me livrer d'abord à ces recherches. Pourriez-vous savoir si jamais de Faudan était malade et retrouver le médecin qui l'aurait soigné ? C'est facile. Comme nous n'avons pas de temps à perdre, j'abuserai de votre complaisance. Veuillez aller immédiatement à l'hôtel de Bretagne et du Périgord, demander si la chambre occupée par de Faudan est libre, et louez-la aussitôt pour moi. Surtout que l'on ne touche à rien et qu'on la laisse exactement à l'état où elle se trouve. Cela sera fait. Bien. Maintenant, je vais vous demander quelque chose qui pèsera à votre amitié. J'ai besoin de 15 jours d'absolue solitude. Voulez-vous me les donner ? Oui, grand alchimiste. Je ne viendrai pas troubler le grand œuvre. Pour vous remercier, je vous dirai ceci. Beaujon a étranglé de Faudon. Son récit est absolument vrai. Donc, Beaujon est innocent. Et il n'est pas fou. Maurice se leva, me serra la main et me dit en souriant. C'est aujourd'hui mardi. Donc, d'aujourd'hui en 15 jours, je vous attends.